Deuxième livre des Rois, chapitre 15. La 27e année de Jéroboam roi d'Israël, Azaria fils d'Amatsia roi de Juda régnait. Il était âgé de 16 ans quand il commença à régner, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Jécolia, et était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit devant l'Éternel, comme avait fait Amatsia son père. Tellement qu'il n'y eut que les hauts lieux qui ne furent point ôtés, le peuple sacrifiait encore, et faisait des encensements sur les hauts lieux. Zéroer l'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour qu'il mourut, et il demeura dans une maison séquestrée, et Jotham fils du roi avait la charge de la maison, jugeant le peuple du pays. Le reste des faits d'Azaria, tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Et Azaria s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec ses pères en la cité de David, et Jotham son fils régna en sa place. La 38e année d'Azaria roi de Juda, Zacharie fils de Jéroboam, commença à régner sur Israël à Samarie, et il régna 6 mois. Et il fit ce goût des plaies à l'Éternel, comme avaient fait ses pères, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Or Salom fils de Jabé, fit une conspiration contre lui, et le frappa en la présence du peuple, et le tua, et il régna en sa place. Quant au reste des faits de Zacharie, voilà, ils sont écrits au livre des chroniques des rois d'Israël. C'est là la parole de l'Éternel, laquelle il avait prononcée à Jéhu, en disant, « Tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération », et il arriva ainsi. Salom fils de Jabé commença à régner la 39e année d'Ozia roi de Juda, et il ne régna que l'espace d'un mois entier à Samarie. Car Menahem fils de Gadi, qui était de Tirtsa, monta, et entra dans Samarie, et frappa Salom fils de Jabé à Samarie, et le tua, et il régna en sa place. Quant au reste des faits de Salom, et quant à la conspiration qu'il fit, voilà, ces choses sont écrites au livre des chroniques des rois d'Israël. Et Menahem bâtit Tifsa, et tous ceux qui étaient dedans, et dans sa contrée, depuis Tirtsa, parce qu'elle ne lui avait point ouvert les portes, et les tua, et il fendit toutes les femmes grosses qui s'y trouvèrent. La 39e année d'Azaria roi de Juda, Menahem fils de Gadi, commença à régner sur Israël, il régna 10 ans en Samarie. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël, durant tout son temps. Alors Pul, roi des Assyriens, vint contre le pays, et Menahem donna 1000 talents d'argent à Pul, afin qu'il lui aida à affermir son royaume entre ses mains. Et Menahem tira cet argent d'Israël, de tous ceux qui étaient puissants en bien, pour le donner au roi des Assyriens, de chacun 50 cycles d'argent. Ainsi le roi des Assyriens s'en retourna, et ne s'arrêta point au pays. Le reste des faits de Menahem, tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Et Menahem s'endormit avec ses pères, et Pekahia son fils régna en sa place. La 50e année d'Azaria roi de Juda, Pekahia fils de Menahem commença à régner sur Israël à Samarie, et il régna 2 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, et ne se détourna point des péchés de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Et Pekahia fils de Remalia, son capitaine, fit une conspiration contre lui, et le frappa à Samarie, au palais de la maison royale, avec Argob et Arié, ayant avec 150 hommes des enfants des Galaadites. Ainsi il le tua, et il régna en sa place. Le reste des actions de Pekahia, tout ce, dis-je, qu'il a fait, voilà, il est écrit au livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria roi de Juda, Pekahia fils de Remalia commença à régner sur Israël à Samarie, et il régna 20 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Au jour de Pekahia roi d'Israël, Tiglath-Pilézer roi des Assyriens, vint, et Prijon, et Abel-Beth-Maaca, et Janoa, et Kédé, et Hatsor, et Galara, et la Galilée, même tout le pays de Nephtali, et en transporta le peuple en Assyrie. Or Osée, fils d'Ella, fit une conspiration contre Pekahia fils de Remalia, et le frappa, et le tua, et il régna en sa place la 20e année de Jotham fils d'Ozia. Le reste des faits de Pekahia, tout ce, Dis-je, qu'il a fait, voilà, il est écrit au livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pekach fils de Remalia roi d'Israël, Jotam fils d'Ozia, roi de Juda commence à régner. Il était âgé de 25 ans quand il commence à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem, sa mère avait nom Jérusa, et était fille de Tsado. Il fit ce qui est droit devant l'Éternel, il fit comme Ozia son père avait fait. De sorte qu'il n'y eut que les hauts lieux qui ne furent point ôtés, le peuple sacrifiait encore, et faisait des encensements dans les hauts lieux, ce fut lui qui bâtit la plus haute porte de la maison de l'Éternel. Le reste des faits de Jotam, tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? En ces jours-là l'Éternel commença d'envoyer contre Juda Retsin roi de Syrie et Pekach fils de Remalia. Et Jotam s'endormit avec ses pères, et fut enseveli en la cité de David son père, et Achas son fils régna en sa place.